Avertissement envers ceux qui se prétendent être musulmans. Parmi eux, ceux qui permettent de demander justice aux mécréants. Ceux qui permettent de voter pour des États mécréants. Ceux qui permettent l'entrée dans les parlements mécréants. Et ceux qui ne se désavouent pas de ceux qui le font ou le permettent, parmi les soi-disant savants, gouverneurs, moudjahidine ou autres. Ceci est en totale contradiction avec les fondements du tawhid. Le Shir Sulayman ibn Sahman, parmi nos anciens, un des grands savants du Najd, lorsqu'on l'a questionné à propos du fait de demander justice au Tarout en cas de besoin, on leur dit « Si vous avez su que le fait de demander justice au Tarout est de la mécréance, Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé dans son livre que la mécréance était plus grave que le meurtre. » Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « La fitna, l'association, est plus grave que le meurtre. » Sourate 2, verset 191. Il dit encore « La fitna, l'association, est plus grave que le meurtre. » Sourate 2, verset 217. La fitna dans ces versets désigne la mécréance. Si les nomades et les gens de la ville venaient à s'entretuer jusqu'à leur destruction, cela leur serait largement moins grave que s'ils venaient à désigner un tarout sur terre afin qu'ils jugent dans leur divergence avec autre chose que la sharia de l'islam qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélée à travers son messager. Voir dans Ad-Dura Saniya, chapitre du jugement de l'apostat, page 275. Si demander justice au tarout est de la mécréance, tout en sachant que les divergences se font à cause des choses matérielles. Alors comment peut-on concevoir le fait de rejeter la foi pour des choses matérielles? Car nul ne peut se prétendre être croyant tant qu'Allah et son messager ne soient les plus aimés, et jusqu'à ce que le prophète lui soit préférable à ses enfants, ses parents et tous les gens. Si tu venais à perdre tous tes biens matériels, il ne te serait jamais permis de demander justice au tarout afin de les récupérer. Et si une personne venait à t'obliger à choisir entre demander justice au tarout ou perdre tous tes biens, tu es forcé de devoir choisir de perdre tous tes biens et en aucun cas, il ne te sera permis de demander justice au tarout et Allah subhanahu wa ta'ala est le plus savant. Durar Saniya fil Ajwiba al-Najdiya, volume 10, page 509-510. Cheikh Abdullah al-Runayman dit « Se rendre chez un juge qui ne juge pas avec la sharia est totalement interdit, quelle que soit la circonstance, car demander le jugement est de la foi et du tawhid. Le demander à Allah fait partie de la foi et du tawhid. Légiférer est un droit spécifique au Seigneur. Il n'est donc pas permis d'octroyer cela à une créature. Celui qui soumet une affaire à un juge lui confère par son acte ce pouvoir de légiférer et en est satisfait. » Ce bas monde ne doit pas être troqué en échange de la foi et l'au-delà. L'homme doit absolument préserver sa religion. Dût-il pour cela perdre tout ce qu'il possède de mondain? Et Allah a mentionné dans ce verset cité par le questionneur. N'as-tu pas vu cela à qui une partie du livre a été donnée, avoir foi à la magie, au djibt et au tarout, et dire en faveur de ceux qui ne croient pas? Ceux-là sont mieux guidés sur le chemin que ceux qui ont cru. Allah a dit. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qui t'a été révélé et ce qui fut révélé avant toi? Ils veulent prendre pour juge le tarout alors que c'est en lui qu'on leur a ordonné de ne pas croire. Mais Satan veut les égarer loin dans l'égarement. Sourate 4, verset 60. Ibn Kathir dit dans l'interprétation de ce verset « C'est une réprimande de la part d'Allah envers celui qui prétend avoir foi en ce qu'Allah a révélé son messager et autre prophète d'avant lui, et en même temps veut prendre un autre juge lors de ses disputes que le livre d'Allah et la sunna du messager, comme cela fut mentionné dans la cause de la révélation du verset. Il fut révélé sur une dispute entre un homme des Ansar et un juif. Le juif disait « Entre toi et moi tranchera Mohammed » et l'autre dit « Entre toi et moi tranchera Ka'b ibn Ashraf ». Il fut aussi dit qu'un groupe d'hypocrites qui faisait semblant d'être musulmans voulurent prendre pour juge les juges païens, et d'autres choses furent dites. Mais le verset est plus général que cela. Il blâme quiconque se détourne du Coran et de la Sunna et demande le jugement à d'autres choses fausses. Et c'est ça le tarout dont il s'agit ici. Ni les juifs, ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, jusqu'à ce que tu suives leur religion. Dis, certes c'est la religion d'Allah qui est la vraie religion. Mais si tu suis leur passion après ce que tu as reçu de science, tu n'auras contre Allah ni protecteur ni secoureur. Mais comment pourrait-il en être autrement? Qui pourrait le faire et légitimer un tel acte de kufr et de shirk avec le Coran et la Sunna? Impossible, tant Allah Ta'ala a dissocié le haqq du bâtil. La lumière des ténèbres depuis 1500 ans et le chemin de la vérité se distingua de l'errance jusqu'à l'yawm al-qiyama bi-idhnillahi ta'ala. Inutile de perdre du temps à réfuter les faux arguments de certains pseudo-savants qui excusent l'inexcusable, le seul péché pour lequel Allah Ta'ala ne pardonne pas si l'on meurt avec, à savoir le shirk billah. Accorder à une créature un attribut d'Allah exclusif est du polythéisme, du shirk. Donc, voter. Accorder à une créature un attribut d'Allah Ta'ala exclusif est du shirk, polythéisme. Donc, voter dans un système démocratique, contribuer à mettre au pouvoir, permettant ainsi aux futurs élus de légiférer, de décider du halal et du haram, alors que ceci ne revient qu'à Allah Ta'ala seul, est donc du shirk et du kufr clair. Ils ont pris leur rabbin et leur moine, ainsi que le Christ fils de Marie comme seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé de n'adorer qu'un Dieu unique, pas de divinité à part lui. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Sourate 9, verset 31. Ibn Kathir a dit dans l'interprétation de ce verset, l'imam Ahmed a dit, Hadi ibn Hatim, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit, quand le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est arrivé, j'étais réfugié à Damas, et avant, je m'étais converti au christianisme avant l'arrivée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ma sœur avec un groupe de ma communauté ont été capturés par les musulmans. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a libéré ma sœur, qui est revenue vers moi et m'a demandé de me convertir à l'islam et d'aller voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. J'ai accepté, je suis allé voir le prophète à Médine. Arrivé chez lui, je l'ai trouvé en train de réciter le verset. Ils ont pris leur docteur et leur moine, tout comme le Christ, fils de Marie, comme des seigneurs. J'ai dit, les a-t-on pris pour Dieu? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, si. Ils ont rendu licite ce qu'Allah a dit illicite et rendu illicite ce qu'Allah a dit licite. Et les gens les ont suivis et c'est cela l'adoration. Comme tout le monde le sait, on devrait le savoir, il n'y a aucune excuse au shirk, au polythéisme. Aucune circonstance atténuante, rien, nada. La seule chose qui est permise dans ce que l'on appelle la contrainte, la torture ou la mort. Comme Allah Ta'ala l'a révélé à l'occasion de la torture d'un sahabi, d'un compagnon, qui avait prononcé l'apostasie sous la torture et la mort de sa mère et de son père. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé dans ce sens. Comment trouves-tu ta foi dans ton cœur? Est-elle intacte? Le compagnon de lui répondre que oui. Et cette ayah fut révélée. Quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint, alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Sachez qu'Allah Ta'ala nous fasse miséricorde, qu'ici nous ne parlons pas d'un shirk khafi, un polythéisme caché, ou bien un shirk muhtamel, qui a plusieurs sens. Nous sommes en train de parler d'une religion, d'un dîn, la démocratie, que celle-ci ne peut pas vivre sans les élections, car les élections sont les principaux rites de la démocratie et que les parlementaires qui légifèrent des lois forgées le font par le biais du peuple et qui dit parlement dit aussi pluralisme, etc. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. » Sourate 3, verset 19. Et quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Sourate 3, verset 85. Comment peut-on alors venir avec une nouvelle religion, la démocratie, et dire que celui qui s'y rattache ou y entre peut être accepté? Comment peut-on dire qu'il y a des cas particuliers dans une autre religion? 1. L'argument qui consiste à parler d'intention. Subhanallah. Faire du shirk en donnant un attribut à Allah, à une créature, car si tu le fais avec une bonne intention, c'est pas grave. Et que dire des polythéistes Quraysh, tous les kafirines qui sont passés aussi par le shirk pour se rapprocher d'Allah. Si Allah Ta'ala tenait compte de la niyyah, de l'intention concernant le shirk, le polythéisme, Allah Ta'ala ne les châtirait pas, non? Et pourtant Allah Ta'ala et son messager les a combattus et versé leur sang jusqu'à ce que le din soit entièrement Allah Ta'ala. C'est Allah qui appartient à la religion pure, et tandis ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah ». En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. 2. Ensuite, l'argument qui consiste à dire qu'il n'y a pas de terre d'islam, donc on est obligé de venir ici en Occident. Mais qui vous force donc à aller voter pour un tarout et ainsi embrasser une autre religion que l'islam? Qui? Où est la contrainte là? Y a-t-il une armée d'Abu Jahl qui vous torture comme l'on a torturé les Sahaba, les compagnons, pour qu'ils prononcent une simple parole? Subhanallah. Les vrais musulmans font couler leur sang pour qu'un État où la parole d'Allah serait la plus haute voit le jour justement. Pendant que d'autres se demandent si c'est Sego ou Sarko le meilleur choix pour les musulmans. Comme si le shirk akbar, le grand polythéisme, peut être un bon choix. Et quoi? Que feraient les vrais musulmans du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Aiderait-il avec ses biens, sa vie, la naissance d'un état islamique viable, cherchant le djihad fi sabilillah, fard ain de nos jours, ou se cacherait-il en Occident, non seulement en osant, en plus de donner son argent aux armées de Kufr, car il est obligé sur ses terres, les impôts, les taxes, mais en plus irait jusqu'à quitter l'islam en attribuant le hukm à une créature d'Allah Ta'ala via les élections non imposées. 3. L'argument du moindre mal, quant à lui, ne tient pas plus que les autres arguments. Car quel est le mal plus grand que le kufr pour un musulman? La pire des choses est arrivée quand on vote en démocratie, à savoir associé à Allah Ta'ala. Alors pourquoi évoquer un moindre mal afin de légitimer le vote? Cette ruse de Shaitan n'était-elle pas faible pour des gens qui raisonnent? Bon nombre de savants vont porter la responsabilité d'une telle fitna. Par Allah, ils appellent à associer Allah Ta'ala sans le savoir. Il n'appartient pas à un croyant ou une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans la façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, sert d'un égarement évident. Sourate l'Équalisée. 4. Concernant le fait d'aller porter plainte, le Coran n'est-il pas assez clair? Allah Ta'ala n'est pas assez clair? Subhanallah. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire ce qu'on a fait descendre vers toi, prophète, ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tarout, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable les égarait très loin dans l'égarement. Sourate 4, verset 60. Voilà pourquoi établir le hukm d'Allah Ta'ala est le premier objectif de tout véritable lieutenant d'Allah sur terre, musulman. Car tant que la loi n'y règne pas, que le din est entièrement à Allah, alors il ne peut y avoir de justice. Qu'est-ce que le dédommagement d'une voiture volée ou la plainte d'une agression, d'un cambriolage pour un musulman s'il doit aller adorer une idole pour cela? Aller chercher le jugement est un acte d'adoration. Qui va aller chercher le jugement chez des associés à Allah? Cette personne pense encore être musulmane après cela? Et certains osent justifier cela avec le Coran et la Sunna. Mais où sont les arguments tirés de nos deux seules sources justement? Et ils ont discuté de faux arguments pour rejeter la vérité. Sourate 4, verset 5. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Allah s'égare très loin dans l'égarement. Sourate 4, verset 116. Le Shir Sulayman ibn Sahman, parmi nos anciens, un des grands savants du Najd, a dit, lorsqu'on l'a questionné à propos du fait de demander justice au Tarout en cas de besoin, on leur dit, si vous avez su que le fait de demander justice au Tarout est de la mécréance, Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé dans son livre que la mécréance était plus grave que le meurtre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, la fitna, l'association, est plus grave que le meurtre. Sourate 2, verset 191. Il dit encore, la fitna, l'association, est plus grave que le meurtre. Sourate 2, verset 217. La fitna dans ces versets désigne la mécréance. Si les nomades et les gens de la ville venaient à s'entretuer jusqu'à leur destruction, cela leur serait largement moins grave que s'ils venaient à désigner un tarout sur terre pour qu'ils jugent dans leur divergence avec autre que la sharia de l'islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à travers son messager. Voir dans Dhar al-Sunniyah, chapitre du jugement de l'apostat, à la page 275. Dis, ô vous les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore, et je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore, à vous votre religion, et à moi ma religion. Sourate 109. Tel est Allah, votre vrai Seigneur. Au-delà de la vérité, qui a-t-il donc sinon l'égarement? Comment alors pouvez-vous vous détourner? Sourate Yunus, verset 32. Le jour où leurs visages seront tournés dans le feu, ils diront, hélas pour nous, si seulement nous avions obéi à Allah et obéi aux messagers. Et ils dirent, Seigneur, nous avons obéi à nos chefs, Sadatana, et à nos grands, Kubaraana. C'est donc eux qui nous ont égarés du sentier. Sourate l'Équalisée, versets 66-67. Ibn al-Qayyim, qui a l'aliface miséricorde, a dit « Il incombe aux musulmans de suivre le comportement du prophète, que les prières et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dans l'acceptation de la vérité de celui qui la porte, qu'il soit un allié, un ennemi, un bien-aimé, une personne détestable, un pieux ou un pervers, ainsi que dans le rejet du faux de celui qui la porte, quel qu'il soit. » Source : Ilm al-Muwaqqi'in, volume 1, page 109.